Bonjour et bienvenue à l'Aérospatiale en ce mardi 23 septembre 2014. Aujourd'hui, une émission fort chargée. On discute avec Céline Marcotte, directrice artistique de Folliculture, qui nous entretiendra de l'événement multidisciplinaire qui aura lieu au centre-ville d'un bord à l'autre de la baie Vitrée. On reçoit Jean-Pierre Gay, toujours aussi agréable de discuter avec lui, qui nous parlera de l'exposition Chantier qui est présentée à Regard. Fanny Hénon-Lévy nous fera un bref retour sur la soirée de performance finlandaise qui a eu lieu dans le cadre de la rencontre internationale d'art performance. Également, on discute avec Andréane Jacques et Nathalie van der Keven au sujet de l'exposition qu'elle présente à la Galerie des arts visuels. On aura la revue de presse de Raymond Poirier, le tout entrecoupé, bien sûr, des sélections audio de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Simon, cette semaine, on écoute King Imagine, quand même, oui. Hein, le nom du projet est intéressant. C'est assez imagé. C'est un artiste qui vient de Kiev, en Ukraine. Musique glitch, un peu électro-expérimentale. C'est sur l'étiquette Saturn Cities Lab. Une belle étiquette, toujours des albums surprenants. Donc, c'est ça, ça a été ma découverte de la semaine, des belles ambiances. Voilà, on écoute donc l'album Mushroom 16. Exactement. Voilà, ben Simon, nous on t'entend dimanche à 20h à Web Music. 19h. Oui. Est-ce que ça a changé d'heure ou c'est moi qui s'est trompé? Ah non, c'est depuis l'été, c'était à 19h. Ah voilà, l'heure a changé, donc 19h, c'est noté. On écoute tout de suite un extrait de la pièce Over the Earth sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de l'album Mushroom 16. Vous écoutez toujours CKRL, Julie Gagné avec vous à l'Aérospatiale. Je suis rejointe par Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour Julie. Dis-moi, que se passe-t-il dans l'univers, le fabuleux univers des arts visuels? Bien, notamment, en fait, la Foire en arts actuels de Québec a annoncé qu'elle allait s'associer pour sa deuxième édition avec le Cercle. Alors, on explique dans un communiqué que les mandats de soutien respectifs à la relève artistique, création, contexte, exposition, innovant, ont réuni cette année pour présenter une programmation annuelle conjointe, en fait, dans les locaux du Cercle. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de l'hiver 2015, la Foire en arts actuels de Québec va présenter conjointement avec le Cercle le travail d'artistes ayant participé à l'une des éditions de la Foire. Et tout au long de l'année, l'organisme va également travailler autour de thématiques qui sont liées à la direction artistique développée par le Cercle. Donc, on parle d'inquiétante étrangeté, nordicité, féminin, première nation. Alors, donc, il y aura la Foire en arts actuels et sera jouxté à ça, donc, une programmation sur une base annuelle qui sera présentée au Cercle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, ce serait intéressant de voir, évidemment, qu'est-ce qui en ressortira. La foire elle-même aura lieu du 16 au 19 octobre. Moi, je pense que le lancement est demain. Exactement. En avant-midi. Et on en apprendra plus au lancement, évidemment. Effectivement. Sur l'événement. Sinon, clin d'œil, puisque jusqu'au 3 octobre, l'œil de poisson accueille Émilie Bernard dans ses ateliers de production. Alors, c'est dans le contexte du programme Millionnaire en folie, un programme qui vise à offrir aux artistes un soutien de la production d'un projet spécifique en leur donnant accès aux locaux de l'œil. Alors, Émilie Bernard, elle va profiter des ressources techniques et des équipements de l'atelier pour s'initier au travail du bois. Elle va concevoir plusieurs travaux, tableaux en relief, en reprenant les motifs et les formes de ses dessins. Et en plus de constituer ses premières expérimentations avec le bois, les sculptures murales vont aussi lui permettre d'élargir son champ de recherche, d'explorer des nouvelles avenues. Voilà. Sinon, des nouvelles de Ciel Variable, tiens, du nouveau, puisqu'il y a quelques personnes qui sont joints à l'équipe, et notamment Alexis Desgagnés, qui s'est joint à Ciel Variable à titre de rédacteur adjoint. Alors, jusqu'à récemment, on le sait, il était directeur artistique du Centre Vue à Québec, donc jusqu'en mai dernier. Alexis, qui est un historien de l'art spécialisé en photographie, qui collaborait déjà au magazine, et ben voilà, donc, nouveau rédacteur adjoint. Félicitations à lui. Sinon, en terminant, deux clins d'œil, puisque je pense que je vais recommander largement aux gens d'aller faire un tour sur le site de l'aérospatiale, aérospatiale.wordpress.com, pour mettre la main sur les articles. Mais je trouvais que c'était deux parutions qui proposaient des questions qui me semblaient assez intéressantes, notamment autour d'une exposition sur le street art à Paris. On parle un peu du phénomène de muséification de l'art, des défis de conservation également liés au street art. Ce qu'on dit, c'est que tranquillement, en fait, il y a eu un phénomène de bascule qui a amené le street art vers les galeries, vers les musées, vers une reconnaissance de manière peut-être un peu plus accentuée de la part du milieu. Et il y a donc de plus en plus un souci de vouloir conserver, protéger les œuvres. On dit dans l'article que certains artistes considèrent d'ailleurs aujourd'hui comme faisant partie du patrimoine, comme certains bâtiments en béton qu'on veut également détruire, et que la volonté de conservation amène aussi une valorisation des bâtiments sur lesquels il y a ces œuvres-là. Donc, une réflexion un peu sur aussi la manière dont on devrait conserver le street art, la manière dont on devrait l'exposer. Si on va chercher, par exemple, une œuvre dans la rue, qu'on démonte le mur pour l'amener en galerie ou en musée, est-ce que ça reste du street art? Est-ce que ça respecte la mission exactement, de l'artiste? Et est-ce que, dans le fond, on doit plutôt le préserver dans les endroits où il se trouve plutôt que de le délocaliser? Donc, de quelle manière un peu composer avec ça? De quelle manière aussi accompagner les villes, accompagner les comités artistiques qui vont éventuellement avoir à faire ces choix-là dans la conservation et la mise en valeur aussi de certaines de ces œuvres-là. Alors, quand même des questionnements, oui. Assez pertinent. Et sinon, autre clin d'œil, c'est le Museum of Contemporary Canadian Art de Toronto qui soulève un peu la question. C'est qu'eux, il faut dire, en fait, ils vont se déplacer. Leur bail de l'édifice où ils se trouvent à Toronto se termine, je crois, dans le courant de l'année. Ils vont déménager, donc, d'ici l'année prochaine. Et ils ont décidé de faire une exposition sur ce que devrait être le musée, donc la mission du musée, les objectifs, l'organisation. Donc, ça s'appelle « To be determined ». Ils ont invité, dans le fond, des artistes à travers leur œuvre à engager un dialogue autour de la notion d'institution muséale dans le contexte de l'art contemporain, de la conservation de l'art contemporain. Alors, ça amène donc différentes installations aux propos quand même assez stimulants. On mentionne notamment dans l'article de Canadian Art, donc une œuvre de Jesse Harris qui questionne justement la relation précaire entre l'art et les conduites de pouvoir institutionnel. On parle dans d'autres éléments, donc sur les chemins qui amènent vers l'art contemporain, donc le public vers l'art contemporain, etc. Donc, l'article lui-même décrit quand même assez bien, justement, les différentes œuvres et le propos qu'elles portent. Alors, moi, je recommande largement, évidemment, là, d'aller faire un tour sur le site pour trouver cet article-là. Je trouve que les questions qu'il amène sont bien actuelles là, dans la réflexion assez large qu'on a, dans le fond, sur la mission de l'art dans un contexte institutionnel. Voilà, donc vous pourrez trouver plus de détails sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Les articles seront mis en ligne dans la minute qui suit, je pense bien, puisque Raymond Poirier s'affaire sur son téléphone intelligent. Raymond, merci. Ça me fait plaisir. On t'entend vendredi à La Vie en BD. Oui, et notamment, on va parler d'une nouvelle revue de bande dessinée qui va être lancée prochainement au Québec. Voilà, donc c'est à 17h30. On fait une pause audio, on écoute Trojan. Au retour, on discute avec Andréanne Jacques et Nathalie Van Der Keven. Thank you. Voilà, donc c'était non seulement un extrait, c'était la pièce complète Trojan de King Imagine, une suggestion de Simon Roy. Vous savez qu'à chaque année, la Galerie des arts visuels commence sa saison à automnale avec une exposition de finissant à la maîtrise. Cette année, un comité a choisi Andréane Jacques. Bonjour. Et... Allô? Oui? Allô? OK, ça fonctionne. Et Nathalie van der Wecken, bonjour. Bonjour. Les filles, toutes les deux, vous intéressez, en tout cas, moi, j'ai vu l'univers des textiles, la couture, etc. Vous avez été pairées, en fait, pour cette exposition-là. Vous connaissiez-vous? Oui. Je suis curieuse, en premier lieu, de savoir ça. Oui, en fait, on est deux collègues à la maîtrise. Donc, on a travaillé ensemble pendant 2 ans, puis on a fait des projets en commun à côté. Okay. Mais quand on a fait la demande d'exposition à la Galerie des arts visuels, on n'a pas proposé d'exposer ensemble. C'est vraiment le comité, dans le fond, qui a décidé de nous mettre ensemble. Puis finalement, on est très contente de ça parce que ça fonctionne bien. Oui, effectivement. Oui. Là, vous n'avez pas dû être surprise du tout. Là, ça devait comme s'imposer un peu aisément à l'esprit. Non, on était surprise, même si on sait qu'il y a des similitudes, il y a des choses, il y a vraiment une belle complicité entre nous deux, mais aussi dans notre travail. Mais je pense qu'on était quand même agréablement surprise. Ben oui, parce que là, disons-le, c'est vraiment une première expérience en contexte professionnel. La Galerie des arts visuels, c'est vraiment un bel espace. Mm-hmm. Donc, comment vous trouvez que vos œuvres fonctionnent dans cet espace-là? Êtes-vous satisfaite? Oui, on est satisfaite. Je pense que le défi aussi, c'était justement de faire une exposition à deux qui fonctionne bien. Puis finalement, les liens se sont précisés avec le temps. Puis je pense que même on s'est peut-être influencé l'une de l'autre à partir du moment qu'on savait qu'on allait exposer ensemble. Donc oui, moi je suis satisfaite. C'est des productions inédites dans le fond, donc vous avez fait ces œuvres-là pour l'exposition à la galerie. Oui. Mais on a eu beaucoup de dialogues avec Lisanne, la commissaire. Ben oui. Donc c'est vraiment comme un choix commun ensemble de voir un peu comment les œuvres peuvent être ensemble dans l'espace. Puis qu'est-ce qui est agréable aussi dans la galerie, c'est que Lisanne puis nous deux, on a vraiment été capable de faire deux mondes, les œuvres à Nathalie, mais aussi que ça forme un tout. Donc de faire une exposition de finissante en maîtrise, on aime ça aussi sentir que c'est la nôtre, mais fait que c'est agréable. Ouais, on est vraiment satisfaite. Nathalie, tu travailles à partir du patron. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé parce que ma mère était couturière. J'ai grandi dans le tissu, les patrons, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler ça spécifiquement? Au début de la maîtrise, j'avais commencé à travailler avec le vêtement. Mais je travaillais vraiment le vêtement en tissu. OK. Donc, je travaillais à partir de vêtements existants. Je les décousais puis je les reconstruisais ensemble. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur des patrons. Puis, c'est vraiment la matière du patron qui m'a interpellée. Puis aussi, avant, je travaillais beaucoup en estampe. Donc, le papier, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Donc, ça m'a permis de réintégrer aussi le dessin à l'intérieur de mon travail. Puis, le papier du patron, justement, moi, ça, il est très mince, il est très fragile. Tu as joué beaucoup avec différentes sortes de papier. J'ai vu du papier peint, entre autres. Pas du papier peint, mais comme une tapisserie ou quelque chose comme ça. Donc, tu as joué quand même avec les textures de ça aussi. Oui, c'est ça. J'ai travaillé avec beaucoup de papiers différents, certains avec des motifs. Puis, j'ai surtout travaillé avec des papiers japonais parce que, évidemment, il fallait que je les cause ensemble là, pour former les assemblages. Donc, j'essayais de travailler avec des papiers le plus minces possible, mais il fallait que ça ait une certaine résistance. Donc, les papiers japonais ont des fibres assez longues. Ça permet de travailler, d'avoir une bonne résistance, finalement, là, pour la couture. On parle de fibres. Pour moi, c'est un pont un peu facile, justement, vers l'univers d'Andréane Jacques. De ton côté, j'ai l'impression que tu t'intéresses au point de la broderie, au tissage, tout ça. Donc, tu dessines, en fait, ce que j'ai perçu comme étant des points, le point de croix ou différents points de broderie. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? J'ai commencé les dessins, je pense, vraiment au début de la maîtrise. Ça s'est fait assez instinctivement. Je faisais beaucoup de gravures avant, puis c'était toujours dans la répétition de gestes puis de motifs. Puis j'ai simplement voulu continuer, mais dans le dessin. Par la suite, bon, la broderie est arrivée plus en deuxième année. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai touché un tout petit peu pour l'exposition, mais je pense que pour l'avenir, c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût d'explorer. Donc, je pense que c'est plus des choses que chacune, on a dans nous, dans nos créations, qu'on a voulu... toutes les deux, on vient de la gravure. Ben ouais. Donc, il y a ça aussi, de faire en sorte de créer différemment, mais toujours en gardant un peu un fil conducteur avec nos thèmes précédents. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose dans vos deux productions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de contemplatif, là, vous en avez parlé dans la gravure et la répétition du geste qui met dans un état. C'est quand même, je trouve, assez zen quand on voit l'exposition. Trouvez-vous ça aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort quand vous observez, à la limite, votre production ou votre production respective? Je pense que oui. Je pense que la galerie fait en sorte aussi que c'est l'univers blanc, c'est très calme. On rentre vraiment dans nos petits mondes. Je pense que ça aurait été différent quand même dans un autre milieu. On va dire un atelier ou quelque chose comme ça. Je pense que l'éclairage fait ça. Mais il y a aussi le fait que toutes les deux, comment on travaille, c'est un travail un peu performatif, sans nécessairement être de la performance. Mais ça s'inscrit dans la durée, puis c'est dans la progression. Dans la durée, donc je pense qu'on le ressent aussi en étant dans la galerie. Nathalie, je suis curieuse. Bon, tu travailles le patron, on en a parlé. Il y a des patrons qui existent déjà. Tu dessines des patrons aussi, mais tu les transformes. Ça devient comme des plans, ça devient comme des autoroutes improbables, même avec les flèches, on a l'impression de direction. Je voyais ça, puis on aurait dit que j'avais tendance à situer le corps dans l'espace ou dans son environnement. Est-ce que c'est une réflexion que tu as par rapport à ton travail? En effet, c'est sûr que le corps est vraiment important dans ma pratique. Il l'était avant aussi, parce que je travaillais beaucoup avec des représentations de corps transformés. Et puis, je pense que le travail avec le vêtement, je le vois vraiment comme le patron, comme une enveloppe du corps. Puis je viens travailler pour faire éclater les limites du corps aussi. Donc vraiment en venant déconstruire le corps, en proposant des nouveaux assemblages. Donc, je pense que c'est ça, c'est vraiment un travail qui cherche à aller au-delà des frontières du corps. Il en devient presque abstrait aussi, là, par moment, dans les œuvres. Absolument. Donc, puis dès le départ, de la façon que je travaillais avec le patron, c'était vraiment d'essayer d'ouvrir le vêtement, puis d'aller ailleurs, d'amener le corps dans un ailleurs. Mais comme le soulignait Andréane, c'est assez performatif comme travail. Donc, quand je commence un vêtement, je sais jamais vraiment qu'est-ce que ça va donner. Mais effectivement, tu sais, il y a des transformations qui fait que le vêtement va s'apparenter en même temps un peu à un plan, à des routes. Donc, il y a plusieurs niveaux de compréhension là, qu'on peut observer. J'ai parlé des flèches tantôt. Tu as un cahier Moleskine qu'on peut manipuler avec des petits gants à l'intérieur de ce cahier-là sur peut-être la moitié des pages, j'imagine, environ. En tout cas, c'est pas très important. Tu as des dessins, appelons-les comme ça, avec des flèches, ça crée des formes. Tu joues avec les carreaux, en fait, du cahier. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir une parenté formelle avec le travail d'Andréane. Est-ce que placé là, donc presque à la jonction des deux productions, ça se veut comme une transition? En fait, c'était pas voulu, mais je l'ai remarqué à la fin. Puis ce cahier-là, je l'ai fait aussi, c'est une œuvre qui est en cours, donc c'est un cahier, comme tu l'as remarqué, qui est pas terminé. Puis c'était vraiment l'idée de reprendre la flèche, puis de la multiplier, de la transformer jusqu'à temps que ça devienne autre chose. Qu'elle perde son sens premier, finalement. C'est ça, exactement. Puis j'ai remarqué aussi, on a fait la réflexion, moi et Andréane, je me suis dit à un moment donné, mon Dieu, Andréane, ça ressemble à tes dessins, tu sais. Mais je pense que, oui, il y a eu une influence, même inconsciemment, on s'est influencé l'une l'autre. Ça fait vraiment un bon pont, en tout cas, parce que moi, je regardais vraiment donc tout ton travail. Après ça, je tombe là-dessus. Puis là, j'entre dans l'univers d'Andréane. Andréane, tes dessins, donc tu fais... Je sais pas, est-ce que tu dirais que tu dessines des points de broderie ou... Non. Parce que ça, je trouvais que les petits X, par exemple, peuvent rappeler le point de croix ou... T'as raison, mais non, c'est vraiment des motifs qui... un peu, tu sais, comme quand tu parles au téléphone puis que tu as un crayon puis un papier puis tu y vas instinctivement, c'était un peu ça. C'est sûr qu'il y a un aspect esthétique fait que plus j'en faisais, j'ai eu des choix à faire, là. Mais les X, je trouvais ça intéressant, ou du moins, j'aimais faire ça. Fait que pour moi, c'est pas comme aliénant de faire je sais pas combien d'X sur une feuille. Mais t'as pas compté, hein? C'est pas ça le but non plus. Là. Non, mais ça serait le fun à savoir, mais non, j'ai pas compté. Mais non, c'est pas des points de broderie, mais c'est sûr que ça peut évoquer. Ouais. Puis je pense que c'est peut-être inconscient aussi, là. Oui, peut-être, effectivement. Ouais. Quand on regarde ces dessins-là, des fois, ça arrête comme au bout d'une ligne. Je regarde aussi les grands dessins sur, voyons comment ça s'appelle, c'est le matériau. De l'acétate, moi. Oui, c'est ça. Donc, sur l'acétate, on dirait des extraits de textes anciens. Par moment, on dirait, ça m'a fait penser à des fragments, en fait, de tissus antiques, tout ça. Même, il y en a un, bon... comme les dessins sont là, puis il y a des petits dessins juste un petit peu autour. Qu'est-ce qui fait que tu décides, ben, c'est terminé, ou est-ce que c'est terminé? Je pose la question. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée, puis c'est une question que je peux pas vraiment répondre. C'est un sentiment. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment terminé? Oui, il y a des moments où, quand je le fais, je me dis, OK, je pense que je suis satisfaite, mais est-ce que cette satisfaction-là est momentanée? Est-ce que dans 2 jours, je vais pas avoir envie encore d'y retoucher? C'est sûr que j'ai les limites du papier, mais je pense que c'est ça aussi la beauté. Puis ce que j'aime un peu de mon travail, c'est aussi de cette non-finalité-là, du fait que y a pas l'air d'avoir de début ni de fin. Puis je crois que c'est vraiment là-dedans que j'ai le goût de pousser, parce que je crois que les œuvres que j'ai mises ne sont pas... J'aimerais ça pousser un petit peu plus loin sur le non-fini, mais aussi, c'est ça, y a pas de début, pas de fin. On est comme dans un moment... X. Suspendu, en fait, ouais. Qui pourrait se poursuivre ou être tout simplement arrêté, puis on reste dans ce doute-là, finalement. Oui, c'est ça. Bon, j'ai oublié la question que je voulais poser. Oui, c'est ça. Dans le fond, les deux, vous travaillez le dessin. Est-ce que c'est vraiment votre travail en estampe qui vous a mené vers le dessin, la ligne? Moi, je pense que oui. Moi, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le dessin? Grosse question, hein? je pense que la grosse différence entre le dessin qu'on fait là, moi puis Nathalie, puis peut-être le dessin ou les choses qui ressemblaient en gravure, c'est juste l'instant. Tu le fais et c'est fait. Ouais. Tu dois juste avoir un papier, un crayon, puis tu peux faire ça dans ton lit, sur le bord de la mer, n'importe où. Puis la gravure, ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rigide, qui est... je pense que c'est ça la grosse différence, mais qui fait en même temps en sorte qu'on a peut-être plus de... possibilité, ou je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on était tanné de la rigidité de la gravure, puis on a voulu aller quelque chose. Il y a quelque chose de très différent, oui, dans la gravure, il y a le dessin, mais c'est ça, c'est pas... le trait que tu vas faire sur la plaque, ensuite, va avoir comme plusieurs étapes avant que ça soit imprimé, tandis que là, c'est vraiment un travail directement sur le papier, puis... il y a beaucoup moins, moi en tout cas pour ma part, il y avait beaucoup moins de contrôle dans ce travail-là que j'ai fait à la maîtrise. C'est important pour moi justement d'essayer de représenter des choses. Puis finalement, j'y arrivais jamais à représenter une vision X, donc ça m'a permis cette liberté-là avec le dessin, oui. Voilà. Peut-être en terminant, pouvez-vous parler d'une chose que vous aimez dans le travail de l'autre? Je suis certaine qu'il y en a plein, là, mais c'est une chose que vous admirez ou qui... Oui, ben c'est sûr que la délicatesse puis la finesse que les œuvres en papier de Nathalie, vraiment beaucoup, je pense que c'est... en même temps, c'est si tough, tu sais. Genre, on a tellement été proches toutes les deux que on dirait que des fois, on est la même personne. Des fois, c'est un peu hallucinant comment on a vécu la semaine ou le mois avant l'expo. Mais je pense qu'on... un peu comme si c'était pas mon travail, mais comme c'est difficile de parler de son travail, comme c'est difficile de parler de l'autre, là. Mais je pense qu'on a une grande sensibilité l'une vers l'autre sur ce qu'on fait, puis personnellement. Puis, si je te demande, Nathalie, est-ce que tu es capable de me dire quelque chose? Ou t'as exactement le même sentiment qu'Andréane? Bien, ce que j'admire beaucoup, en fait, dans le travail d'Andréane, je trouve que c'est la simplicité, mais en même temps, la force qui fait la force de son travail.

pour que le public, chacun à son tour, puisse prendre les outils et lui faire une coupe de cheveux. Donc c'est quand même assez inhabituel, ben oui. Assez inconfortable, et y a comme ça quelque chose de la tête à coiffer, elle se transforme en objet à coiffer, et en même temps on a des instructions quand même assez précises à respecter, donc c'est elle est assez vulnérable, elle se rend assez vulnérable dans cette performance là. Pavana Reine, elle dresse une table et invite carrément le public à boire, elle ouvre le champagne, elle invite le public à s'asseoir, à fêter, et elle se met en retrait pour regarder ça, et donc du coup le public lui-même devient fait partie intégrante de la performance, de la même manière qu'Elisabeth intégrait carrément le public dans sa performance. Je dirais que ces quatre performances norvégiennes qu'on a vues, que j'ai vues ce soir-là, il y a vraiment quelque chose qui ressort. C'est la thématique de l'objet, de l'objetisation, de l'homme objet mécanique. La première performance offerte par Sigmund Skar, c'est un homme qui coupe du papier à recouvrir les murs, là, du papier peint, oui. et qui se le met sur lui et qui devient une espèce d'homme. C'est un côté très absurde, très froid, amusant aussi. Elles avaient tout ce poids en commun, elles ont un humour comme ça, pince sans rire, mais une réflexion sur le corps, sur le l'humain face à l'objet, et l'humain en tant qu'objet aussi, comme objet social, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que t'as apprécié? Écoute, c'est sûr que cette année, là, ça se passait à la salle multi, à la coopérative Méduse. C'est quand même assez surprenant d'arriver dans ce grand espace et que ça ressemble à un cube. C'est un grand cube noir. C'est assez impersonnel. Ça marchait bien pour le coup. La soirée norvégienne marchait bien avec le côté très impersonnel, parce que c'est quand même des performances qui sont loin des performances sud-américaines, très exacerbées, parfois violentes, très fortes émotionnellement. Là, on est dans quelque chose, dans une mise à distance, dans quelque chose dans une performance qui est participative et beaucoup plus intellectuelle, j'ai envie de dire. Ok, donc ça. Alors ça marchait bien avec l'espace, mais c'est sûr qu'il y a 2 ans, j'avais particulièrement apprécié les locaux du Soleil, où les performeurs pouvaient bouger d'un espace à l'autre et jouer un peu plus avec l'espace. Là, c'est sûr que on était plus dans le spectacle. La représentation, et on pouvait un peu moins déambuler. Mais c'était quand même une soirée très très intéressante. Moi, j'ai choisi d'aller voir cette soirée norvégienne parce que j'ai un goût particulier pour l'esthétique du Nord, et je trouve que cette nordicité, je l'ai retrouvée beaucoup dans les performances québécoises aussi. Cette mise à distance, ce rapport à l'objet, ces problématiques là. Je trouve qu'ils sont plus proches de la culture québécoise que ce que j'avais vu dans des éditions, comme je te le disais, sud-américaines. Voilà. Fanny, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie grandement. Ben, merci à toi, Julie. Bonne soirée. Puis on se parle bientôt. Voilà, à bientôt, on fait une pause audio, on écoute Mivina. C'est toujours un plaisir d'accueillir en studio Jean-Pierre Gay. Bonjour Jean-Pierre. Mm-hmm. Bonjour Julie. Jean-Pierre, rappelons-le, a animé l'aérospatiale pendant 5 ans en compagnie de Richard Sainte-Marie. Donc à chaque fois que je l'ai avec moi, je me sens particulièrement contente. Ben, c'est comme un retour aux sources quelque part entre nous. Hein? Ben oui, effectivement. Parce que tu étais aussi chroniqueuse à l'époque. Dans on a juste changé de place finalement. J'étais dit que j'avais le micro à Jean-Pierre et vice-versa. Jean-Pierre, tu m'as écrit au début du mois de septembre, je pense, en disant « Hey, je suis allé voir Chantier à Regard. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Ben, je veux écoute, t'en parler. Regard, on est vraiment très loin de la période où Regard était dans la côte, de la côte du passage et qu'on arrivait dans une salle qui était plus ou moins toujours adéquate, puis des performances qui n'étaient pas toujours, des projets qui n'étaient pas toujours achevés. Depuis qu'ils sont en bas de la côte, je t'avouerai que juste au bord de la traverse, là, cette année particulièrement, c'est toute une entrée qu'ils font. On sait que la traverse de Lévis est en profonde mutation. Oui. Il y a un chantier majeur à la traverse de Lévis. Or, donc, l'équipe de Regard a choisi de faire appel à 8 artistes qui partent de ce thématique-là, du chantier, des mutations, parce que ça va amener toute une mutation dans les vies. Donc, il y a 8 artistes qui font des propositions et ça se passe à la fois dans la galerie, mais aussi à l'extérieur de la galerie, donc dans le stationnement à côté, même dans le cap, il y a quelque chose dans le cap, dans l'ancien bureau de poste, il y a un investissement des lieux important. Premièrement, Jacinthe Carrier, qui est dans la galerie en entrant, dans un double expo, hein? Elle est présentement à la bande vidéo en plus. Oui, et d'ailleurs, il y a comme une espèce de parallèle à faire. C'est comme le versant à la bande vidéo. Je dirais que c'est le versant sable du travail de Jacinthe, alors que c'est le versant eau. Okay. Lévis, toute une traverse. L'eau est importante. Il y a eu une performance de performeur sur des roches au bord de l'eau qu'elle a filmé et elle a monté tout ça. Elle a ramené des roches dans la galerie et la prestation est présentée dans l'autre partie de la galerie sur un écran incliné qui donne une perspective sur le fleuve comme si on était là, quelque part au bord du fleuve. Okay. Donc, première proposition. L'autre proposition dans la galerie, c'est Justin Robert et Louis Ouellette qui reprennent une autre idée du territoire qui est celui du territoire, mais objet de météo. La météo est importante. Une œuvre qui date de 1997. Grosso modo, c'est les données de la météo de tous les jours en direct qui étaient enregistrées et transférées en son et jouées par un disque clavier. Okay. Donc ça, c'est une performance sonore très... Jocelyn appelle ça de la musique d'ameublement. Donc ça, c'est une autre pièce qui est présentée là et qui fait appel justement à l'idée de la météo. On n'est pas dans la même... C'est pas l'œuvre en direct, c'est une reprise de ça. L'autre projet, c'est Arcadie, La Voix, La Chapelle, une fille de Montréal qui fait de l'art social, de la poésie, qui fait de la performance et qui, elle, s'est intéressée d'abord à un projet du député Blané de Lévis qui veut rendre hommage au capitaine Bernier, un navigateur supposément important, mais elle trouve pas si important. Elle trouve que Bernier, c'est plutôt un homme d'affaires qui a utilisé les Inuits et qui sont jamais vraiment présents dans son travail. Donc, elle présente dans la vitrine de Regard, une photo, mais montée de façon particulière, une grande photo, là, montée sur des lamelles blanches verticales. Et lorsqu'on la regarde de face, on voit Bernier avec toutes ses Inuits. Mais quand on la regarde de côté, il n'y a que Bernier qui apparaît. Ah, donc, ouais. C'est assez subtil. Donc, premier projet d'Arcadie. Son deuxième, dans le garage, il y a un garage à côté de Regard. Oui, juste à gauche. Juste à gauche. Dans les vitrines du garage, il y a toute une série de questions qui sont posées. C'est des questions qu'elle a demandées. Elle a demandé aux gens qui sont dans le voisinage. Quelles sont les questions qui se posent par rapport à ce projet-là? Et là, je pourrais t'en lister toute une série. Les vitrines sont pleines de ça, mais ça vaut la peine de lire. Ouais, d'y aller, là. À quoi ça va servir? Pourquoi ça? Puis que c'est ça? Maison, là, il y en a plein. Et son troisième projet à Arcadie, c'est il y a des arbres qui vont être abattus. Et quand on sait que des arbres sont abattus, ils sont habituellement tagués. Elle les a tagués d'une façon très particulière en mettant un bandeau autour et en ayant inscrit dessus « Merci beaucoup ». Oh, c'est ironique quand t'avais ouais. C'est très ironique. L'autre projet qui est présenté, c'est les. Et là, on est dans la toujours proche du stationnement, mais là, on regarde dans le cap. Et il y a deux immenses panneaux publicitaires qu'on voit là, qui sont une espèce de, qui ont l'air d'être une espèce de vision idyllique du Lévis de demain. C'est comme Acapulco. C'est comme si la traverse de Lévis se transformait en une immense plage avec des hôtels de 25-30 étages blancs, ciel bleu et tout. Donc, une espèce de clin d'œil voulant détourner l'attention de Québec vers Lévis, faire de Lévis la plage, le lieu touristique avec Québec en accessoire. Puis on ironise aussi là, sur tout le gros développement à Lévis. Il y a aussi une partie ironie, voilà, ouais. Là-dessus. Dernier projet, celui de Laurent Lévesque de Montréal, qui, lui, a investi 5 grandes, immenses fenêtres de l'ancien bureau de poste, des fenêtres qui donnent sur le fleuve, sur la traverse, et qui sont faites en un éclairage en néon, mais monumental, ce qui fait que ça irradie dans l'espace, ça fait comme blower, si je peux dire, vers Québec. Okay. Donc, ça attire l'attention sur Lévis. Une autre façon de détourner. Donc, tout ça, c'est chez Regard. Tu vois que c'est des propositions assez fortes, assez audacieuses. Et c'est là jusqu'au 5 octobre, ça vaut le détour. Voilà, tu voulais aussi nous parler d'un album, Jean-Pierre? Oui, ben moi, c'est mon côté art sonore. Caroline Belzile-Normand, une fille qui travaille à la Chambre Blanche et qui a présenté vendredi soir son premier CD. Ce qu'on entend ici, c'est une œuvre qui s'appelle Œuf, parce qu'elle, elle fait de l'art sonore culinaire. Oh, OK. Dans cette belle période où la télévision est monopolisée par les chefs puis la cuisine, Caroline détourne un peu ça en faisant des œuvres sonores à partir de la matière qu'il travaille. Et elle accompagne ça de poèmes assez trash, je t'avoue. Ben oui, est-ce que je peux lire le poème? Œuf! Vas-y donc. La perfection de ses courbes, couille du pape, texture molle et gluante, absence, souverain pontife, naissance divine. Alors, tu vois, c'est un peu tout le sens de ça. C'est un disque qui est vraiment très bien fait. C'est une belle pochette. Ben oui, c'est un vraiment, beau produit. Et il faut voilà, prendre la peine de tout écouter. Il y a entre autres une pièce qui s'appelle « Le ça » ou « De date » parce que tout ça est traduit. Et cette pièce-là, elle dure presque 5 minutes et il faut l'écouter vraiment jusqu'à la fin. Je veux pas donner le punch, mais il faut vraiment l'écouter jusqu'à la fin. Ah oui, donc c'est une chaude recommandation, là, Jean-Pierre. Il y a un sourire là, de contentement. Alors, tout ça, ça se passe, ce disque-là est donc disponible chez Avatar ou encore à la Chambre Blanche au coût de 10 $ c'est donné. C'est peu, effectivement. Oui. Alors, voilà. Ben Jean-Pierre Gay, merci infiniment. Puis là, il y a des bonnes nouvelles de Folliculture qui s'en viennent. Ben oui, effectivement, on va discuter justement après la pause audio, on discute avec Céline Marcotte. On écoute Hallucinations from Hutt. Thank you. Voilà, c'était le dernier extrait audio de l'émission. Je rappelle, la suggestion, c'était King Imagine, l'album Mushroom Says, une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit, hein, comme c'est le cas à chaque semaine, sur le site laérospatiale.wordpress.com. Également, vous pouvez trouver l'émission disponible en balado, diffusion, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier et les communiqués qui vous invitent à divers événements en art visuel. Et parlant d'événements, j'ai justement devant moi la directrice artistique de Folie Culture, Céline Marcotte. Bonjour. Bonjour. Il y a un gros événement là, qui s'en vient, là, qui commence après-demain, jeudi. Oui, qui commence jeudi. Oui, un événement de 4 jours avec plusieurs petits événements à l'intérieur. Oui, des interventions longue durée, oui. Plus sporadiques, performances. Ça bouge hein, quand même. Là. Est-ce, oui. Est-ce qu'il y a un contexte spécifique pour ça? Vous avez dit, nous, on fout le party dans le centre-ville. ben non, on voulait faire un événement sur... Ben, ça s'appelle « D'un bar à l'autre de la baie vitrée ». Ben oui, hein, puis comme d'habitude, ben, Folie Culture, on travaille sur une thématique. Fait que là, on a voulu travailler sur la thématique de la baie vitrée, où est-ce qu'on est parti du fait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont hospitalisés souvent, eux sont dans une salle et le personnel est de l'autre côté d'une baie vitrée, donc on a voulu interroger... Oui, dans ces espèces de cubicules, là, le poste d'observation... Oui, bien à l'abri. Oui. Donc, on a voulu aborder cette thématique-là, mais aussi la déborder dans les rapports avec les gens, dans la société, ce qu'on laisse passer aussi, ce qu'on laisse pas passer, ce qui est intime, ce qui ne l'est pas. Donc, Mais j'ai trouvé ça, en fait, très, très fertile. En fait, souvent, vos thèmes, hein, c'est ça, il y a comme... c'est un terreau fertile pour imaginer. Puis je voyais la baie vitrée comme... Quand on regarde dans une baie vitrée, on se voit soi, on voit le reflet du monde, puis on voit quelque chose de l'autre côté. Donc, il y a vraiment... Oui, il y a beaucoup de façons de l'aborder. Beaucoup de profondeur. Il y a plusieurs façons de l'aborder, ce que la baie vitrée, comme tu dis, nous renvoie, ce qu'on peut voir à travers elle, ce qu'on peut laisser passer aussi, ce qu'on désire laisser passer aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a invité les artistes à nous soumettre des propositions. C'est ça, parce que là, il y a plusieurs artistes. Il y a Hugo Nadeau, Gilles Bernier, Jocelyn Fizet, Oscar India Romero, Caroline Boileau, Stéphanie Lagueux, Jonathan Lécuyer, et j'en passe, là, certainement. Mais en fait, je pense qu'il manque Hélène Lefebvre. j'ai tout nommé, je crois bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces artistes-là spécifiquement parce que vous trouviez que leur production pouvait déjà s'accorder avec votre On a fait un appel vitrée. De projet. Okay. On fonctionne pas toujours par appel de projet, mais pour cette programmation-là, on a fonctionné par appel de projet. Donc, nous, on reçoit les projets, on relève ceux qui amènent plus loin la thématique, mm-hmm. qui abordent la thématique de la façon dont on veut. Puis nous, on a fait comme un événement avec ça. Donc, ils ne connaissaient pas nécessairement les artistes avant, mais nous, on a décidé de faire un événement avec ces propositions-là. Un événement qu'on trouve qui se tient artistiquement ouais. et thématiquement aussi. Qui se tient justement en parallèle aussi, ça tombe bien, là, c'est les journées de la culture, les gens vont vraiment être à l'affût des manifestations artistiques. Dans le cadre des Journées de la culture, nous, on va faire un parcours guidé qui va être samedi le 27 septembre à 14h. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de monde au centre-ville, puis ce qui c'est bien parce que, pour nous, en tout cas, on espère, parce que il y a des interventions qui vont se passer dans la ville. Caroline Boileau puis Jocelyn Fizet oui. vont faire des interventions dans la rue. Donc, c'est aux gens de voir, essayer de les trouver. Oui, c'est ça, parce que là, si on va pas sur le site folieculture.org. Org, oui, c'est ouais. ça. Si on va pas sur le site, on peut tout simplement découvrir ça, tu sais, pas savoir que c'est là, puis être un peu surpris, un peu ébranlé aussi. C'est là. Ça, ces interventions-là. Puis, surtout, Jocelyn Fizet, il va faire des interventions dans des vitrines. Ouais, des slogans politico-artistiques. Voilà. Le dessin. Et aussi, il y a une iconographie qui est particulière. Puis, il va avoir, toujours sur la rue Saint-Joseph, au 222. Ah ouais, Hugo Nadeau. Oui. Hugo Nadeau et Julie Bernier. Eux, ils font des interventions longue durée là, dans une vitrine. Ça risque d'être éprouvant. Là, pour c'est eux. Ça. Hugo Nadeau va jouer à un jeu sur Internet. Oui. Et il va faire comme son avatar. Ça veut dire si son avatar va se coucher, il va aller se coucher. Si son avatar a faim, il va manger. Donc, il va rentrer. Il est là pendant 3 jours dans la vitrine ainsi que Julie Bernier. Attends, Céline, là, moi, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'il va jouer à la vraie vie, puis il va jouer sa vraie vie comme par procuration. Donc là, on la voit bien, cette espèce de baie. Oui, exactement. Puis en plus, dans la vitrine, lui, il va être dans une vitrine. Puis en plus, il y a un écran où est-ce que les gens vont pouvoir voir qu'est-ce qu'il fait sur... Ils vont pouvoir voir le jeu... jouer, regarder qu'est-ce qu'il fait, à quoi il est en train de jouer. Puis en plus, c'est lui là, qui l'a conçu, le jeu, je pense. Oui, c'est un jeu qui existe, mais qu'on peut modifier, je crois. Okay. Donc, lui, le modifier comme il l'entend. Puis dans cette vitrine-là, d'un autre côté, Hugo, lui, s'enferme dans son monde virtuel. Puis il y a Julie Bernier qui, elle, veut recueillir les confidences des passants. Oui. Alors, elle va être là, elle va rentrer vraiment, elle rentre jeudi à 15h et elle va sortir dimanche à 15h. Elle fait 72 heures en ligne. Où est-ce qu'elle va vraiment être là tout le temps, dans la vitrine? Puis, elle va recueillir les confidences. Donc, les gens qui veulent discuter avec elle, parler avec elle, elle va être là pour les écouter. Puis, il y a un numéro de téléphone, hein? Je pense qu'il va être indiqué dans la vitrine, on peut la rejoindre. Il y a un téléphone dehors. Ah, sur place, carrément. Oui, okay. C'est ça, il y a un téléphone dehors. Les gens peuvent prendre le téléphone puis parler avec elle en direct. Ah ouais. Mais ils ne peuvent pas traverser la baie vitrée, par contre. Non, là, faudrait pas exagérer. Hein? Il y a quand même, on ne sait pas toujours non plus à qui on s'adresse. Du côté des installations, il va y avoir des installations interactives, notamment d'Oscar Ndia Romero. Oui. Hugo Nadeau est en double. Non, Hugo Nadeau n'est pas dans... Il était, non? Je ne sais pas. Bon, on lui demandera, voilà. Non, c'est parce que c'est Oscar, Ndia Romero, c'est les initiales des trois. Ah ouais, ben voyons. Pourquoi garçons. Je pensais qu'il était là-dedans? J'ai des questions comme ça. En tout cas, Oscar, Ndia Romero, donc. Oui, donc eux autres, ils vont installer un espèce de gros. Ils nous mènent en bateau. Okay. Donc, ils vont installer un espèce de gros bateau jaune dans le hall du Centre Jacques Cartier. Le hall du Centre Jacques Cartier, c'est juste entre la bibliothèque puis la pharmacie qui est juste à côté. Donc, et dans ce bateau-là, les gens vont pouvoir jouer aussi à un jeu. C'est-à-dire que là, les gens vont pouvoir jouer à un jeu aussi qu'ils ont construit puis qu'ils ont inventé. World of Wells, a win-win situation. Ouais. Voilà. C'est un vaisseau arcade, finalement. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que ça semble assez intéressant, conversation sur l'oreiller de Stéphanie Lagueux et Jonathan Lécuyer. Oui, c'est... un jeu, c'est vrai, c'est assez particulier. Donc, ils invitent le public à jouer à un jeu. Donc, il y a un lit et des manettes et des écouteurs. Les gens, l'idée, c'est de faire que les gens travaillent ensemble ou établir une relation avec des gens. Donc, ça peut être quelqu'un qui est à côté qu'on connaît pas. Et ils vont jouer à un jeu. Donc, ils vont avoir les instructions dans les écouteurs pour essayer ensemble d'arriver à faire un projet, sauf qu'ils ont pas ça va être intéressant. Je pense que c'est pas les deux personnes n'auront pas les mêmes. Ah ouais, fait que il va falloir réconcilier tout ça finalement. Oui. Ouais, voilà, ça c'est dans la bibliothèque Gabriel Roy au deuxième étage. Ouais. Je pense que ça va être super intéressant. C'est ça l'idée, c'est d'amener une conversation entre deux individus qui se connaissent pas nécessairement. Puis mettre de l'avant les embûches, des fois, à la compréhension, à la communication. Voilà, oui. Et en terminant, une performance d'Hélène Lefebvre. Oui, Hélène Lefebvre, elle a vraiment... elle travaille depuis plusieurs mois sur son projet. Elle a fait comme une espèce de résidence d'artiste à l'organisme Sherpa, oui, à Québec. Et pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, étalées sur plusieurs mois, elle a suivi ce qui se passait là-bas, elle a pris des cours avec eux, elle a vraiment observé et travaillé avec eux pour voir comment ça se passait. Et elle va nous livrer vendredi soir à 20h à Sherpa, sur les lieux mêmes. Elle va nous faire une performance qui est le résultat de son travail qu'elle a fait avec les gens sur place. Voilà, ben Céline Marcotte, merci beaucoup. Je rappelle, c'est d'un bord à l'autre de la baie vitrée, donc un événement au centre-ville de Québec, c'est du 25 au 28 septembre. Pour plus d'informations, folieculture.org. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. L'émission tire déjà à sa fin. En terminant, donc, il y a ce grand événement, mais il y a également partout au Québec les Journées de la culture du 26 au 27 septembre. Pour plus d'informations, journeesdelaculture.qc.ca. Mais j'ai sorti deux activités qui me semblaient intéressantes. La première au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Il y a Karine Ledoyen qui va faire des petites chorégraphies inspirées par le travail de Fernand Leduc dans la salle justement consacrée à Fernand Leduc. Ça aura lieu donc du 24 au 28 à 12h30. C'est gratuit. Puis vendredi 26 septembre à 19h, l'œil de poisson et Vidéofemme présente Danser en images. 6 courts-métrages par des artistes québécoises œuvrant dans le milieu de la danse et du cinéma. Voilà. Donc, je remercie mon équipe de collaborateurs, mes invités, Jacques Gignac, pour son travail à la mise en onde. Et je vous laisse, comme d'habitude, entre les très bonnes mains de Gilles Chaumel, qui vous fera écouter son folk d'Amérique.